Piste 45. Exercice 3. 1. Bonne. Bon. 2. Une personne. Une colocation. 3. Saine. Sain. 4. Ils viennent. Il vient. 5. Panne. Pan. 6. Chez Jeanne, une chambre.